Vous écoutez Futur Simple sur les ondes de CKRL au 89.1 et après cette plongée dans le monde médical, dans le monde du corps humain, du génome humain, ben on va faire une plongée dans les océans. Ce qu'on y trouve, ce ne sont pas toujours du poisson. On y trouve aussi du plastique qui s'accumule au point de former un continent. Alors c'est un sujet qu'on a déjà abordé à l'émission, mais le message vaut le coup d'être répété car ce plastique, il vient bien de quelque part. Alors pour nous en parler ce soir de ce continent de plastique, j'ai à mes côtés Pauline Pantier. Elle est étudiante à l'INRS, étudiante en sciences de l'eau. Bonjour Pauline. Alors, donc cette accumulation de plastique dans l'océan, elle est telle qu'on parle carrément d'un huitième continent, oui. C'est ça? Donc, qu'est-ce que c'est que ce huitième continent? Ben, en fait, au milieu du Pacifique, les courants, ils forment une gyre, donc ils vont former comme une grande spirale qui va bloquer le plastique qui va venir de un peu partout dans le monde, dans cette zone. Ainsi, ben, dans cette gyre, on va retrouver une accumulation de plastique qui va être constituée de gros débris, donc de seaux, de briquets, de tout ce qu'on peut imaginer, mais aussi de plus petites particules qui sont des fragments de ces débris, de particules qu'on voit à peine parce qu'elles sont transparentes, et aussi et surtout de produits toxiques qui viennent de la dégradation de ce plastique. C'est ce qu'on appelle finalement la soupe de déchets. L'accumulation de plastique du Pacifique Nord, elle est assez énorme parce que c'est une surface qui est proche de celle du Texas ou d'un tiers de l'Europe pour ceux à qui ça parle plus. Ça fait à peu près 3,43 millions de kilomètres carrés, donc c'est gigantesque. Et puis ce qui est impressionnant, c'est qu'on va trouver du plastique des fois juste sur un mètre, mais on peut en trouver jusqu'à 30 mètres de profondeur. Ah oui, ouais, d'accord. Mais donc ce plastique, il vient d'où? Eh bien, d'partout. Il faut savoir que la production mondiale de plastique en 2011, elle était estimée à 280 millions de tonnes. Et qu'elle est en constante évolution parce qu'entre 2010 et 2011, on a vu 4% de plus de production de plastique. Il y a un dixième de cette production, donc 28 millions de tonnes, qui vont dans les océans chaque année. C'est pour ça que sur les plages du monde, bah, vous allez trouver des filets, des sacs en plastique, des vieux bidons d'essence, des vieux bouteilles de plastique, des balles de golf, des briquets, des chaussures, des filets, plein mais plein des choses. À la limite, des filets, on peut comprendre, mais des briquets ou des balles de golf, ça n'a rien à faire là. C'est ça. Et en fait, ben, c'est près des côtes. Ben, les balles de golf, ben, c'est les golfeurs qui les envoient sans faire attention dans les océans. Puis, avec la circulation océanique, donc tous ces courants qui vont bouger partout dans le monde, ils vont se retrouver dans cette gyre. Il faut savoir que dans le monde, dans les océans, on estime le nombre de débris flottants à 13 000 par kilomètre carré. Et dans la gyre du Pacifique Nord, on monte à 3,5 millions de débris par kilomètre carré. 3,5 millions de débris dans un kilomètre carré. Par un kilomètre carré dans la zone de gyre. Mais quand on y réfléchit, 13 000 débris par kilomètre carré dans l'océan, c'est quand même... C'est déjà beaucoup, c'est ça, c'est ce que je me disais. Et du coup, ben, ça vient de partout. Il y a des déchets d'Europe qui peuvent se retrouver dans le Pacifique Nord juste par la circulation des courants. Donc, au final, ben, tous les pays sont responsables de cette formation. Puis, quelque chose qui est important de savoir, c'est que depuis qu'elle a été découverte, elle a triplé depuis 2004. Et les scientifiques estiment qu'elle devrait être multipliée par 10 d'ici 2030 s'il y a autant de plastique qui est rejeté dans les océans. Mais je me demandais, ces plastiques, donc, est-ce que c'est nécessairement des plastiques qui sont envoyés à la mer, bon, par inadvertance ou jetés, ou ça peut être des déchets qui sont envoyés dans les rivières, envoyés dans la mer, finalement, à l'océan. Donc, finalement, c'est pas juste les populations côtières ou les gens qui utilisent la mer, ça peut être venir aussi de l'intérieur des terres, j'imagine. Exactement. L'eau, c'est un réseau hydrographique, c'est tout un cycle, on le connaît, le cycle de l'eau, c'est l'eau qui est évaporée de la mer, qui va dans les rivières, etc. Ben, au niveau du plastique, c'est pareil, quelque chose qui peut être jeté sur un grand fleuve à 5000 km des océans peut quand même se retrouver dans les océans via la circulation des rivières. Mmh. Tout est connecté, puis la mer est approvisionnée, entre guillemets, par beaucoup de rivières. Mmh. Et puis tout ça se retrouve donc dans une gyre. Dans une gyre. Alors on se doute que ça ne doit pas être sans conséquence pour les poissons et même pour les organismes marins en général. Quels sont les principaux impacts? En fait, il y a trois principaux impacts. Il y a l'impact toxique, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, le plastique en se dégradant, ben, c'est des polluants. Donc, ben, les polluants, c'est tout ce que ça peut entraîner, des malformations, des problèmes au niveau de la reproduction, tous les problèmes finalement qu'on est en train de découvrir en ce moment avec tout ce qui est écotoxicologie. Le deuxième problème, ben, c'est que le plastique, ça ressemble à la nourriture. On a tous l'image en tête de la petite tortue qui va aller manger un sac en plastique en pensant que c'est une méduse, ça on connaît. Mais tous les petits débris, c'est exactement la même chose pour les poissons. On a trouvé jusqu'à 120 morceaux de plastique dans des estomacs de poissons. Et c'est pareil pour les oiseaux. En ce moment, on voit beaucoup sur Internet des images de cadavres d'oiseaux qui sont pleins de plastique au niveau de l'intestin. Alors au début on se dit c'est pas possible, c'est du montage photo, et quand on se renseigne un peu plus, ben non, c'est pas du montage photo, c'est vrai, c'est découvert encore, parce que les oiseaux ça mange les débris en pensant que c'est de la nourriture, et au final ça s'accumule. Et enfin, ben, le dernier problème, c'est que les gros débris, ça peut entraper les animaux, ça peut les prendre au piège. Il y a des oiseaux qui peuvent se retrouver à vivre dans des sacs en plastique. Et pareil, une image qu'on revoit beaucoup quand on tape un petit peu l'impact du plastique, c'est une tortue qui a été encerclée petite par un petit cercle de plastique et qui a grandi tout autour de ce cercle de plastique. Ah oui. Donc elle est vraiment difforme, séparée en deux parties, juste reliée au milieu par un cercle de plastique. C'est assez impressionnant. Et donc, bah, c'est des dommages qui affectent environ 267 espèces. Donc, c'est pas sans conséquence. Puis, faut savoir que comme c'est ça peut toucher toute la chaîne alimentaire. Bah oui, c'est ça. Quand il y a 260 espèces de touchées, on imagine que finalement, c'est le réseau. Bah, c'est le réseau, voilà. qui est pris. Et alors, pour la préservation de la biodiversité marine, des équilibres écologiques marins, il faudrait faire quelque chose. Mais est-ce qu'il y a des moyens de remédier à cette forme de pollution ? Alors, actuellement, il y a des recherches pour y remédier quand même, mais il n'y en a pas, parce que la technique, ça serait de filtrer l'eau, d'attraper avec des chaluts tous les déchets, mais déjà ça coûterait très cher, parce que faudrait passer à l'épuisette toute une zone qui fait la taille du Texas. Ensuite, ça attraperait les gros morceaux, mais tout ce qui est toxines ou particules fines, ben, il resterait quand même. Puis faire ça coûte très cher. En plus d'être quasi impossible, ça coûte très cher. Puis, c'est en zone internationale. Donc, il n'y a aucun État qui veut payer pour enlever du plastique qu'il a soi-disant pas mis lui. Faut trouver quelqu'un qui veuille payer. Puis l'autre problème, c'est qu'est-ce qu'on fait de ces montagnes de plastique ? Parce que là, on parle de montagnes de plastique de quantité astronomique. Et actuellement, on ne sait pas le recycler. Puis souvent, c'est du plastique qui a déjà été dégradé, donc qui n'est pas recyclable avec les techniques actuelles. Ça reste compliqué. Et puis, l'autre problème, c'est que pour récupérer tout ce qui est toxines et particules fines, il faudrait filtrer. Ouais. Et en filtrant, on récupérerait aussi plein de micro-organismes qui sont aussi essentiels pour la chaîne alimentaire, parce qu'on récupérerait le plancton, on récupérerait beaucoup de choses qui finalement perturberaient presque encore plus l'écosystème que ce continent. Ouais, parce qu'à la limite, on peut récupérer les objets flottants, les bidons, etc. Mais les molécules qui sortent de là à cause de la dégradation du bidon, elles, on ne peut pas les filtrer. C'est ça, c'est très compliqué. Elles sont pourtant dans l'eau, là, elles font partie de la soupe. Et elles intoxiquent la faune. C'est ça. Donc, pour l'instant, c'est très compliqué. Et par contre, on sait que il grandit, ce continent, il ne s'arrête pas. Donc, ce qu'on peut faire, nous, à échelle humaine, puis à échelle individuelle, c'est de faire attention. Faire attention au plastique qu'on utilise. Quand vous allez à l'épicerie, prenez plutôt un gros sac que prendre 15 petits sacs. Faites attention à comment vous l'utilisez, puis surtout comment vous le recyclez. Parce que du plastique recyclé, c'est du plastique qui finira moins dans les océans que du plastique qui va tout simplement être jeté. Donc, à échelle humaine, on peut faire des choses. À échelle individuelle aussi, parce qu'il faut savoir que actuellement, il y a 5 GIR dans le monde. Il y a celle du Pacifique Nord qui est la plus connue, puis la plus grande. Mais il y en a 5 en tout. Il y en a une en Atlantique. En fait, dans tous les océans. Il y en a une en Atlantique Nord, l'océan Indien. Et elles, c'est pareil. Elles grandissent parce que les déchets arrivent et il faut bien qu'ils soient stockés quelque part. Et via les courants océaniques, toujours, ils se retrouvent enfermés. Autrement dit, le meilleur moyen, c'est d'agir à la source pour éviter que le phénomène n'empire. Donc, c'est de regarder qu'est-ce qu'il y a comme plastique dans notre vie quotidienne, dans notre consommation courante. Qu'est-ce qu'on met à la poubelle comme plastique, qu'est-ce qu'on utilise, et puis comment on peut les éviter. On peut les éviter. Merci beaucoup, Pauline, d'être venue nous en parler. Puis, je sais, c'est un sujet qu'on a abordé peut-être d'autres fois, mais on peut tellement facilement agir au jour le jour pour éviter ce méga continent. Il y a beaucoup de gens qui connaissent, mais ça ne veut pas dire qu'il y a beaucoup de gens qui agissent. Donc, c'est bien de rappeler régulièrement, puis d'essayer de faire en sorte que les gens, à échelle humaine, fassent attention. Et en attendant, il y a des chercheurs qui font des recherches, qui essayent de trouver comment... Peut-être qu'on trouvera des bactéries pour les manger. C'est ça. Ou alors qu'on transformera ce plastique-là en pétrole au moment où on n'en aura plus. Il y a des gens qui étudient ça, donc on va trouver une solution. Moi, j'y crois. Alors, on va rester avec ce mot d'espoir pour la fin. Merci beaucoup, Pauline. Merci. Donc, je rappelle que Pauline Pantier est étudiante à l'INRS, étudiante en sciences de l'eau. Alors, on va faire une petite pause musicale sur CKRL au 89.1. Et au retour, on va rester dans le domaine aquatique, mais cette fois-ci, on va plonger dans les cours d'eau.